Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la conquête vue de Londres et Paris. Aux yeux de la monarchie française, dans une perspective strictement économique, dans une perspective de rentabilité, la Nouvelle-France, somme toute, avait très peu d'intérêt et c'est tout à fait compréhensible. L'historien André Champagne, dans un extrait tiré du documentaire « La fin de la Nouvelle-France » réalisé pour la chaîne Arte en 2009, Paris et Londres verront d'un œil très différent cette guerre de la conquête qui va se jouer chez nous. Et au cœur de cette bataille qui décidera du sort de l'Amérique française, s'opposeront deux visions, la vision de deux hommes, celle de William Pitt et celle du duc de Choiseul. La France, à ce moment-là, est un pays qui a perdu son importance, alors que l'Angleterre est en plein épanouissement. À la conquête, la France est toujours dirigée par un roi, Louis XV. Il jouit d'une autorité absolue. Sa maîtresse, la Pompadour, qui aime les châteaux, voudrait qu'il se débarrasse de la Nouvelle-France. En Angleterre, George II règne, mais ne gouverne pas. Le pouvoir est entre les mains du Parlement et en particulier du Premier ministre, William Pitt. William Pitt, qui n'a peut-être pas de maîtresse pour le conseiller, est décidé à continuer la guerre jusqu'à ce que les Français soient dépossédés de tout le Canada. La France trouve que sa colonie lui coûte cher et qu'elle lui rapporte peu. Bien plus, elle est convaincue que la guerre qui commence va se gagner sur les champs de bataille européens. Alors que pour William Pitt, la guerre va se gagner en Amérique. De sorte que la France enverra ici peu de renforts et que l'Angleterre fournira le maximum. Extrait de la série « Épopée en Amérique » réalisée par Gilles Carle en 1997. En écoutant l'historien Jacques Lacourcière dans ce court extrait, on se rend bien compte de la considérable différence de perspective entre la France et l'Angleterre sur l'importance de la Nouvelle-France comme enjeu stratégique dans le cadre plus large de la guerre de Sept Ans. Pour mieux comprendre les deux visions qui s'affrontent lors de cette guerre de la conquête, mon invité, l'historien à la TELUC, Éric Bédard, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. La première chose qu'il faut d'abord comprendre, c'est que cette guerre de la conquête s'inscrit, Éric Bédard, dans un contexte plus large, celui de la guerre de Sept Ans. Oui, alors, j'avais effectué des lectures en 2009 sur, un peu me tenir à jour sur l'historiographie dans le cadre du 250e, j'avais écrit des chroniques, et j'avais été frappé par le fait que, en fait, on connaît beaucoup de choses sur ce qui se passe ici au Québec, je dirais. C'est assez bien documenté. On connaît bien les décisions de Wolfe, les décisions de Montcalm. Mais j'ai souvent trouvé que, même dans l'historiographie américaine, on ne discute pas assez de ce qui se passe à Paris et à Londres. Ouais. C'est quand même là qu'on tire les ficelles. C'est là qu'on a deux gouvernements, deux perspectives. Et donc, en effet, la bataille des Plaines d'Abraham et tout ce qui se passe ici en Amérique du Nord et au Canada, au Québec, eh bien, ça participe d'une stratégie d'un homme politique qui s'appelle William Pitt, mais aussi, moi je me suis souvent demandé quelle était la vision alternative, quelle était la perspective française à ce moment-là et comment concrètement les décisions se prenaient et à Londres et à Paris. Ouais. Et c'est ces deux hommes, Pitt d'un côté, Choiseul de l'autre, qui vont incarner ces deux visions. Mais encore une fois, c'est ce qui va se jouer, entre autres sur les plaines d'Abraham le 13 septembre 1759, s'inscrit dans un contexte plus large, celui de cette guerre. On va appeler ça la Première Guerre mondiale. Une guerre de sept ans, c'est une guerre internationale. On a des empires qui s'affrontent sur des champs de bataille à travers le monde. Oui, il y a des historiens qui parlent d'une première véritable guerre mondiale. Et ce qui est intéressant et ce qui est fascinant, c'est que la bataille des Plaines d'Abraham, qui sera probablement un des grands points tournants de cette guerre de sept ans, eh bien, durant cette bataille des Plaines d'Abraham, durant cet été de 1759, nous sommes un peu le centre d'une guerre mondiale. Le 13 septembre 1759, alors que Québec vit depuis deux mois sous les bombes, une courte bataille d'une vingtaine de minutes vient changer le destin des Canadiens et de la Nouvelle-France. Au petit matin, la présence des troupes anglaises sur les plaines d'Abraham sème la panique et le désarroi. Les généraux Montcalm et Wolfe risquent gros ce jour-là et perdront tous deux la vie sur le champ de bataille. Alors que les Français et les Canadiens s'avancent vers les soldats anglais, ces derniers n'auront besoin que d'une seule salve puissante et meurtrière pour décimer leurs rangs et les mettre en déroute. Cinq jours plus tard, sous la pression des bourgeois de Québec qui en ont assez de la guerre, Ramsay remettra les clés de la capitale aux Anglais. Extrait du documentaire réalisé par Benoît Pilon en 2004, Le temps des Québécois. Donc, en quelques secondes, une reconstitution de cette bataille des plaines, de cette capitulation sur laquelle ça va déboucher. Vous disiez, ça a été, en 1759, un moment important pour nous, mais pour tout ce qui va se jouer dans le monde. Pourquoi, en quelques mots? Ben, pourquoi? Parce que c'est un peu, ça sonne le glas de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'était la présence des Français en Amérique du Nord. Cette Nouvelle-France qui bloquait le développement des colonies anglo-américaines à l'ouest. La Nouvelle-France qui avait multiplié les forts un peu partout, autour du Mississippi, autour des Grands Lacs, avec les alliés amérindiens. C'était impossible, c'était infranchissable. Et donc, à partir du moment où la Nouvelle-France tombe, ça va être officialisé avec la capitulation de Montréal en 1760, eh bien, là, les Britanniques ont la main haute sur l'Amérique du Nord. Et pour eux, d'ailleurs, puis on va y venir dans un instant, mais ils le voient. Il y a un enjeu très, très important, cette Nouvelle-France, pour eux. Vaincre ces Français en Amérique, c'est très, très important pour les Anglais et pour Pitt. Parlons quand même d'abord des deux toiles de fond dans les deux empires respectifs. Éric Bédard, c'est important pour la suite des choses, oui. Puisque ce sont ces deux puissances, France et Angleterre, essentiellement, qui s'affrontent dans la guerre de 7 ans. Où en est d'abord l'Angleterre, cette Angleterre du 18e siècle? Alors, l'Angleterre du 18e siècle, c'est un pays d'environ 8,5 millions d'habitants. C'est un pays, évidemment, qui est un pays d'exportation, marine marchande très puissante. Donc, commerce maritime, une identité nationale qui se construit, nous disent les historiens, par l'annexion, par exemple, de l'Écosse en 1707. C'est là que prend forme ce qu'on appelle le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, donc une sorte de nationalisme. Un nationalisme qui se développe aussi sous le signe de la puissance de l'Église anglicane, mais qui fait le jeu des colonies, puisqu'on expulse, enfin, ceux qui ne partagent pas cette religion anglicane vont, en grosso modo, dans les colonies, surtout en Amérique du Nord, et ce seront les 13 colonies américaines. C'est bon pour l'Empire, autrement dit. Donc, cette Angleterre-là va être alliée avec la Prusse, qui est une puissance montante sur le continent. Les Prussiens et les Anglais, donc, s'allient durant cette guerre de 7 ans, et face à elle, bon, on a évidemment la France. Et la France, à quoi elle ressemble, cette France? La France, c'est le pays le plus populeux au 18e siècle, de 22 à 29 millions d'habitants. C'est un pays qui a toujours eu cette tension entre le grand large Atlantique et ses frontières poreuses à l'intérieur du continent. Donc, toujours cette rivalité entre la marine qui réclame plus de fonds, puis qui dit, nous, notre avenir est au grand large, et l'armée de terre qui dit, non, il faut beaucoup plus d'argent pour l'armée de terre, puisqu'il faut protéger nos frontières, peut-être même annexer quelques petites principautés qui sont à nos frontières. Et donc, toujours eu cette rivalité. La France aussi, qui est, on dit, monarchie absolue, oui, encore, c'est une monarchie absolue, c'est-à-dire un roi qui règne, mais c'est pas non plus le synonyme d'un... c'est pas un tyran, il y a quand même... tout ça se tient d'une tradition de la monarchie. Donc, une souveraineté absolue dans tous les domaines, mais à l'intérieur de cette cour de Louis XV, à ce moment-là, il y a des factions. D'ailleurs, pour l'Angleterre, on ne l'a pas dit, mais l'Angleterre aussi, il y a des gouvernements, il y a des partis qui sont en train de se constituer. Un parti qu'on dit Whig, proche de la cour, et un parti Tory, plus proche des prérogatives royales. Mais tous ces partis aussi se transforment durant le 18e siècle. Et dans cette Angleterre du 18e siècle, la figure qui va, petit à petit, parce qu'il va, il va connaître une longue traversée du désert, mais celui qui va s'affirmer comme une figure incontournable de notre histoire aujourd'hui, de cette guerre entre la France et l'Angleterre chez nous, c'est William Pitt. Qui est-il? Alors, William Pitt, c'est quelqu'un qui est né en 1708, qui meurt en 1778. Les historiens, un de ses biographes, le compare au Winston Churchill de son époque. Pourquoi Winston Churchill? Parce que Winston Churchill a toujours été un esprit assez indépendant. Et d'ailleurs, il a changé de parti. Et à la fin, durant les années 30, Winston Churchill était vu comme une voix dans le désert. Il n'arrêtait pas de se plaindre là que les Allemands s'équipaient, qu'il fallait faire quelque chose, mais plus personne ne l'écoutait ou le prenait au sérieux. Et tout à coup, en 1940, il devient un recours. C'est comme si l'histoire lui donne raison. Mais de la même façon, William Pitt, c'est un personnage qui a beaucoup de tempérament. William Pitt, c'est le contraire d'un courtisan. C'est un personnage qui a une grande indépendance d'esprit. Ce n'est pas un homme qui est issu d'une classe relativement aisée. Mais ce n'est pas un l'aîné de sa famille, donc c'est un cadet. Il n'y a pas de fortune personnelle et il va très tôt dénoncer le climat de corruption. Il faut dire que le gouvernement de l'époque était très corrompu des années 1730-1740. Il va dénoncer le climat de corruption et il va être un des premiers politiciens anglais à s'appuyer sur l'opinion publique. Ouais. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une presse relativement indépendante qui existe, qui circule, et il s'appuie sur l'opinion publique pour défendre une conception très personnelle, très nouvelle de ce que doit être l'Angleterre, la Grande-Bretagne de son temps. Et cette conception, en gros, là, si je vous la résume, on l'a dit patriotique, c'est l'idéologie patriote qui est très forte au sein d'un groupe qu'on appelle les Tories. C'est-à-dire, on pourrait la résumer en deux éléments importants. Premièrement, la guerre que nous devons mener, nous, Anglais, doit être menée par des miliciens, par des Anglais. Oui. Hein? Il est le défenseur d'une milice nationale parce que c'est une guerre faite par des professionnels, là, des mercenaires qu'on paye très cher. Ça n'a pas la même force que quand ce sont des nationaux qui combattent. Mm-hmm. Donc, une perspective patriotique, militariste, presque. Et de l'autre côté, notre avenir, ben, c'est le grand large. Voilà. C'est la marine. C'est aller vers l'Empire. Et on appelle ça en anglais la Blue Water Policy. Et c'est cette Blue Water Policy, cette stratégie du grand large qu'il va pouvoir, au fond, déployer à l'occasion de la guerre de 7 ans, qui va lui permettre vraiment de s'imposer. Là-dessus, extrait du documentaire La fin de la Nouvelle-France, réalisé par Olivier Julien et Brian McKenna en 2009. Pitt est porteur d'une vision qui, pour beaucoup, est à l'origine de la constitution de l'Empire britannique à venir. Pour lui, l'Angleterre ne doit pas accepter l'affrontement sur le terrain continental. C'est dans les colonies qu'elle gagnera la guerre. Il persuade la couronne de construire une flotte qui assurera sa suprématie sur les mers et va lui permettre de transporter ses armées aux quatre coins du monde. Profitant de l'immobilisation des Français et de leurs alliés sur le terrain continental, les Britanniques vont porter simultanément la guerre dans toutes leurs colonies. En Inde, en Afrique, aux Antilles et bien sûr sur le continent nord-américain. Les Français ont une stratégie à l'égard de leurs colonies qui consiste essentiellement à les laisser se défendre seuls en temps de guerre. Ils leur envoient le moins de renforts possible pour concentrer leurs troupes là où elles sont les plus efficaces, sur le continent européen. Alors, la stratégie de Pitt, Éric Bédard, elle est intéressante, mais elle est audacieuse. C'est un pari, au fond, qu'il fait, en disant « j'irai affaiblir les Français là où ils sont le moins forts, dans leur colonie ». C'est un pari, et c'est un pari qui fait peur à énormément de politiciens britanniques. Au départ de la guerre de 7 ans, c'est donc ça débute en 1756, il n'est pas encore aux affaires, il est un peu marginalisé, il a participé un peu au gouvernement, mais il a été marginalisé. Et lorsque les Anglais perdent l'île de Minorque, en 1756, c'est une super, c'est une île très importante au plan stratégique dans la Méditerranée. D'ailleurs, l'amiral qui est en charge de l'armée britannique en Méditerranée va être fusillé, va être condamné. Et là, Pitt revient aux affaires. Ça crée tellement un choc en Grande-Bretagne sur l'opinion publique que cette défaite, que là, Pitt devient l'homme de la situation. Et là, il impose sa politique, mais une politique qui demande une mobilisation incroyable de fonds, de capitaux pour armer ses bateaux, pour envoyer utilise ses flottes à l'étranger. Et là, on voit qu'au départ, c'était pas gagné. Par exemple, il y a la campagne à Louisbourg. Donc, Louisbourg, c'est un succès. C'est un succès, mais ça n'aurait pu ne pas l'être, parce que quand même, c'est une forteresse. Ça va fonctionner. Et prochaine étape, après Louisbourg, c'est évidemment Québec. Donc, sa stratégie, c'est la stratégie d'aller vers le maillon faible de l'Empire français, le maillon faible étant cette Nouvelle-France qui est presque pas habitée, hein, 70 000 habitants par rapport aux 1,5 million d'Anglo-Américains, c'est de l'attaquer là où il est le plus faible, et donc c'est de le délaisser un peu le continent, de laisser le continent européen aux Prussiens qui sont reconnus pour leur armée de terre très puissante. Oui. Et en rajoutant bien sûr que pour les Français, l'enjeu stratégique de la Nouvelle-France est totalement différent, ce qui nous amène à l'autre grande figure dans cette guerre de la conquête, le duc de Choiseul. D'abord, un petit mot sur qui il est. Bon, alors, c'est très intéressant. C'est là qu'on a affaire à deux régimes bien différents. Alors, je vous ai dit, il y a comme deux partis en Angleterre. Il y a les Whigs et les Tories avec les Patriotes, et Pitt incarne ce courant. En France, il y a aussi deux partis, on a l'impression, jusqu'à l'attentat de Damiens de janvier 1757. Il y a deux partis. Il y a le parti du ministre de la guerre, on est nommé d'Argenson. Tout le monde dit de lui qu'il est un ministre compétent et il tente vraiment d'influencer le gouvernement. Et de l'autre côté, il y a le parti de Madame de Pompadour qui, en effet, on l'a dit, au moment de la guerre de Sept Ans, elle n'était plus la maîtresse, elle ne partageait plus la même couche que le roi, mais ceci dit, elle était une conseillère, une confidente, une femme de confiance. Et lorsque l'attentat de Damiens survient, lorsqu'on tente d'assassiner le roi en pleine cour Louis XV, en janvier 1757, alors là, il y a un moment de silence, on ne sait pas. Et là, tout à coup, le roi fait son choix, c'est Madame de Pompadour qui aura le haut du pavé. Madame de Pompadour, elle, son choix est très simple. Elle a participé à la négociation de l'alliance avec l'Autriche. Et ça, c'est une alliance très spectaculaire parce que depuis longtemps, il n'y avait pas eu d'alliance entre les Bourbons et les Habsbourg. Et donc, elle a réussi à convaincre Marie-Thérèse, l'impératrice, qui est devenue son amie. Et donc, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que, au fond, la stratégie française sera très orientée vers le continent. Oui. À cause de cette alliance qui est très contraignante, parce que l'Autriche est attaquée constamment par les Prussiens. Alors, comme c'est Madame de Pompadour qui s'impose, elle impose aussi son personnel, on pourrait dire. Parmi ce personnel, il y a le duc de Choiseul. Oui. Pourquoi il est dans le portrait, cet homme-là, qui est quand même assez compétent, qui est un homme de la noblesse? Ben, c'est qu'il avait réussi, en 1752, à écarter la nièce d'Argenson, qui était devenue la maîtresse du roi. Vous voyez, hein, les histoires de couchettes. Donc, rivale de la Pompadour. Donc, une rivale de la Pompadour. Et donc, il l'avait réussi à l'exclure. C'était sa cousine. Il lui avait convaincu. Louis XV va lui en vouloir énormément pendant plusieurs années. Et tout à coup, ben, en 1759, il devient un peu l'homme de la situation, le ministre des Affaires étrangères, une sorte de ministre prépondérant. Et c'est lui qui est aux affaires. Mais lui, on pourrait dire, c'est vraiment un courtisan. Et lui, donc, a une toute autre vision de cet enjeu, de ce que représente la Nouvelle-France. Dans ce contexte de la guerre de Sept Ans, cette espèce de première guerre mondiale, Choiseul est vraiment pas du tout, voit les choses très, très, très différemment de Pitt, qui dit il faut gagner cette terre française en Amérique. Choiseul, c'est le commerce qui l'intéresse. Bon, c'est le commerce, mais en même temps, moi, j'ai découvert en faisant ces lectures que Choiseul a un plan en 1759, et ça, c'est pas beaucoup raconté dans nos livres. On dit, ah, la France nous a abandonnés, ce qui est pas tout à fait vrai, puisque quand même, il y a eu des troupes importantes qui ont été envoyées en 56. C'est un gros contingent qu'on a ici. Mais en fait, en 59, ce que Choiseul projette de faire, c'est d'envahir l'Angleterre. Rien de moins. Rien de moins. C'est d'envoyer des troupes, de mobiliser l'ensemble de la flotte disponible en Méditerranée, sur les côtes françaises, et d'aller attaquer l'Angleterre. C'est un projet qui est dans l'air depuis un moment, puisqu'on sait que les Écossais, n'oubliez pas que les Écossais ont fait leur dernier soulèvement en 1745. Hein. Les Écossais ont été annexés en 1707. Il y a encore un sentiment national très fort. Il est toujours d'ailleurs présent. Donc, les Écossais ont toujours été des alliés plutôt naturels des Français. Donc, on compte sur cette alliance qui pourrait ressurgir et on veut attaquer l'Angleterre, un peu comme avaient tenté de le faire les Espagnols en 1588, à l'époque de Philippe II. C'est une entreprise incroyable, mais qui va être un flop monumental, ça ne va pas fonctionner. Et qu'il détourne donc doublement de ce front lointain qu'est la Nouvelle-France. Il perd un peu ça de vue, puis on revient à... Puis là, on est un petit peu plus, dans, entre guillemets, dans le cliché, parce que ça a été déjà dit, mais on revient à ce calcul qui va mener au traité de Paris, ce calcul plus négociant, commercial. De quelle façon, donc, qu'est-ce que ça représente pour Choiseul, la Nouvelle-France? On écoute l'historien Denis Vaugeois en parler lors d'une conférence de la Fondation Lionel Groulx en 2012. Je me suis rendu compte que Choiseul a mis sur la table un peu les ressources de l'Amérique, en disant, bon, les fourrures. S'il a lu le rapport de Bougainville, quand Bougainville est allé en mission en 59, Bougainville avait dit, écoutez, les fourrures, ça va dépérir tout le temps. C'est peut-être bon pour un siècle encore. C'est pas mal, hein? En 1759, il avait raison. Les fourrures, ça n'aura pas encore 100 ans de vie. Le sucre, alors ça. Et les pêches. Alors, finalement, Choiseul se retrouve avec un choix à faire, la fourrure, le poisson, le sucre. Et Choiseul, Éric Bédard, va choisir le poisson et le sucre, Terre-Neuve et les Antilles. En gros, ce sera le choix qu'il fera. Est-ce qu'il a le choix vraiment? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il est en position de force ou pas? D'abord, le même de niveau joie que je connais bien sur ces questions nous rappelle toujours que rien n'était joué en 60, qu'il aurait pu, avoir une négociation qui mène à d'autres conclusions au traité de Paris de 1763. Puisque, comme c'était une guerre internationale, il y avait du donnant-donnant. On gagnait ici, on perdait là, et au final, quand on négociait les termes du traité de paix, eh bien, on pouvait rétribuer une terre qu'on avait gagnée ou un territoire parce qu'on voulait, on avait plus d'intérêts stratégiques dans un autre. En fait, les Anglais étaient convaincus, et ça, c'est clair aussi dans l'historiographie britannique, les Anglais étaient convaincus en 59 que le Canada serait une monnaie d'échange, que les Français voudraient absolument conserver le Canada, qui était un grand territoire, peut-être pas la Nouvelle-France, mais le Canada, la vallée du Saint-Laurent. Oui. Et donc, ils vont s'apercevoir assez rapidement que ce n'est pas le cas, et il va y avoir aussi un durcissement de l'opinion publique britannique très anti-française à ce moment-là, en 1760, et on va décider finalement de négocier, de conserver le Canada. Mais au début, on croit que Choiseul va donner en échange, en monnaie d'échange, le Canada, ou va vouloir le garder pour avoir autre chose en Méditerranée ou ailleurs dans le monde. Et pourtant, non. On s'aperçoit, et là, la Choiseul est visiblement un ami du lobby des philosophes, à la tête duquel on retrouve Voltaire. Il est de ceux qui croient que cette colonie coûte cher, qu'elle ne rapporte pas beaucoup, et que finalement, d'avoir perdu ses arpents de neige, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. D'ailleurs, on a une correspondance de Voltaire avec Choiseul qui date de 1761 sur ces sujets. Et donc, en effet, comme le dit si bien Denis Vaugeois, il va miser sur des choses payantes, des choses dont on a besoin, le poisson de Terre-Neuve, on conserve Saint-Pierre-et-Miquelon, et le sucre des Antilles, Saint-Domingue. Au bout du compte, est-ce que, d'une certaine manière, Choiseul et Pitt n'y trouvent pas tous les deux leur compte? Oui, et Choiseul est de ceux qui pensent que c'est un cadeau empoisonné pour l'Angleterre, que c'est un immense territoire, que ça va coûter très cher, que forcément les Anglo-Américains risquent d'être déçus, puisqu'ils vont peut-être devoir payer la note, et que peut-être qu'à terme, les Anglais se retrouveront avec une rébellion, et c'est ce qui est arrivé. Éric Bédard, historien à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Patrick Knoop. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. C'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine. Thank you.